Délégation irlandaise, mais vous êtes une habituée, hein. Vous êtes venue, je crois, en 2001, en 2017, en 2018, également aux Nuits Interceltiques, au stade. Quel plaisir vous trouvez à venir sur ce festival ici à Lorient, en Bretagne, à chaque fois? Pleasure to come to the festival year after year. So my first year was 2001. Elle est venue d'abord en 2001. And then 2017 and 2018. Et donc en 2017 et 2018. And it's a great honor to be back. C'est un grand honneur pour elle d'être de retour cette année. The people, the welcome. Les gens, la bienvenue qu'on lui donne aussi. Their love of culture and music. Et l'amour qu'on a ici pour la culture et la musique. Great audiences. Et un grand public également. They really listen and appreciate the music. C'est un public qui est attentif et qui écoute la musique ici. Ce n'est pas le cas partout en Bretagne. On est très attentif, on écoute la musique et des cousins celtes aussi en particulier. It's not something that is happening everywhere. The audience that is paying attention to the music. Is it something very specific for Brittany? The audience. Sorry. Merci en tous les cas, Nolwenn qui traduit I'm a chamber singer, so I sing a cappella with no accompaniment. So it's hard, you know, it's hard for people to listen to that. Donc elle en fait, elle fait du chant. Channo, c'est un chant a cappella en gaélique. Et c'est pas facile pour le public en général d'être attentif à ce genre de chant. Donc là, ça lui fait vraiment plaisir. On va l'entendre a cappella justement dans quelques instants. On peut vous entendre aussi au fil du Festival Interceltique de Lorient, place des pays celtes. Et puis vous participez aussi au stade à Horizon Celtique le soir à 21h30. Alors là, c'est gigantesque. Quelle impression quand on est au milieu du stade, Moira? You're also singing in the stadium in night. It's very huge stadium. What's your feeling when you're on stage in the stadium? People tell me, oh, you know, are you not nervous because there are so many people that are listening? Les gens lui demandent si elle est pas trop nerveuse parce qu'il y a tellement de monde dans le stade. But I block that out and I just focus on where I have to walk and where I have to go out when I'm leaving. So I just focus on the song and my performance and I just block out. It helps that it's dark and you don't really see all the people. Elle fait le vide en fait, elle se concentre sur par où elle va rentrer, par où elle va sortir. Elle se concentre sur sa chanson et elle ne pense qu'à ça. Elle ne fait pas attention aux gens autour parce que sinon ça déconcentre. Alors vous chantez en gaélique irlandais, vous venez du Donegal qui est au nord-ouest de l'Irlande. Et je crois que vous inspirez notamment de chants de l'île de Torry. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette île du nord de l'Irlande qui vous intéresse? You get inspiration from the island of Torry. Yes. Inspiring you. So I love the singing and the culture of Torry Island. Elle aime beaucoup la façon de chanter et la culture de l'île de Torry. And actually, the song I'm going to sing is from Torry Island. Et la chanson qu'elle va vous chanter là vient de là. Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson? What is it about, the song? So the song is about a married couple. C'est à propos d'un couple marié. And they're arguing every day, tous les jours. But in the end, they really love each other. Mais au final, ils s'aiment et ils réconcilient. La transmission, c'est extrêmement importante. Aussi, vous enseignez le chant gaélique. C'est très présent en Irlande. You also teach Gaelic singing. Is there a lot of Gaelic singers in Ireland? Well, in the Gaeltacht areas, yes. And there's a big competition every year. It's called the Oireachtas. Donc dans certaines zones d'Irlande, c'est assez commun. Il y a une grande compétition tous les ans. And for example, this week the FLA is happening back home in Ireland. The FLA, it's the biggest traditional music festival in Ireland. Et donc ce festival, le FLA, c'est le plus grand festival de musique en Irlande et c'est en ce moment, ce week-end. And it's very promising. It looks good because there are There's a lot of interest from young people, and a lot of young people take part in these competitions. Il y a beaucoup de jeunes qui participent cette année, et c'est des grandes promesses en fait pour le futur du cycle. Merci Moira Nihalon d'être venue sur France Bleu Brésil. On va prouver que le public breton est très à l'écoute du chant des Irlandais. Vous venez du Donegal, vous chantez en gaélique irlandais, et on va vous entendre chanter ce chant qui est inspiré d'une des îles du Nord de l'Irlande, l'île de Tory. France Bleu Brésil, en direct du Festival Interceltique de l'Orient, le live. Hey, maman, the Hammersvig, I have to major hick. Glassenberg, na glassen, mora, jokuel. Mera, higam, is jokon, di, akkord, wer, is grimby. Verge, ora, me, ja, grisa, middel, moer. Oh, moi, kras, ma, vile, jean, agers, praksha, en mori. Lalle, glaun, is reala, betty, salidan. Non, ja, lalle, Corinchni maram hinser beti vin na wala trum magaslendu hen anan nu ara hem shishir na tre horma potag gazla chok maniar salas rana maru ter shama khala nara fali marish chanti akhar tu arish krambi Fag she poet a brachan and is kafri foem. E shom we crap on salatre, brishrin yinzra what ye hear. Sarbon neutros luria nascaru estere. Eskanira hoko crinya lishanila nerete. Skajoka jirli lost to ludra ballin. What a fonch is a wallic war. Through for chilics a come as more. Bell for tala way, good bar to strum a war. Be to dolo, you go to you, sweet to go, ni wonder one. Sa doctor, you to yedru, the natcher war. A te to catch a nish islam. Dash look the nanra yur to yan. How to blend the hoggy vi art to toast the hiel. Martian hens to cream of free has got a mlatogi. Nog a sheen to rinse a yin a let the hill. Yeah, ni mak jan on kabart. Cross the hiest leave is galart. Sien in kara kona yin to hen go bra. Scotty Betty Lemo Hugh Lenny Ishkada well a blueer. Sienny's got a fun mother for Scarims and the way. Oh, my Krasma village, Nagar's Braksha and Marie. Valle Glown is real, a Betty Solidan. Non yala loyal Corinch, ni madam Hinser Betty V. Na wala trum magas lindu henanan. Gramila Maiga. Bravo à Moira Nihalm, que vous allez retrouver sur la place des Pays Celtes demain, par exemple, dans l'après-midi et le soir. Et puis, elle fait partie de tous les artistes qui sont 500 au stade le soir pour Horizon Celtique, hommage à l'esprit celte sur France Bleu Brésil. France Bleu Brésil, partenaire du Festival Interceltique, émission spéciale en direct de l'Orient. Après 18h, le Bagad de l'Orient en live sur France Bleu Brésil, mais aussi la Banda La Tira, et on parlera d'un drôle de concours de Kitchen Music avec Nicolas Radin, la création de Ronan Le Barce, également Celtic Odyssey. Et on retrouve Marina Uri au corps du Festival Interceltique à l'Orient. Et je suis attablée avec Aline qui habite ici et qui vient profiter de la vie. Je suis aussi avec Jacqueline qui a un cercle de danse, un groupe de danse ici à l'Orient aussi, et qui est venue avec sa petite fille Anaëlle et son chien Oslo, et qui a pas trop chaud, ça va, qui est sur ses genoux tranquillou. Ça va les filles? Ouais, nickel chrome. Oui. Anaëlle, elle vient de Paris et en fait depuis le début elle fait le festival, c'est ça? Exactement. Ça te plaît, t'es contente? Ouais. Aline, vous avez comparé les fêtes de Bayonne avec le fil. Expliquez-nous pourquoi. Ah bah parce que c'est magnifique, c'est la même tradition, ça, c'est top, c'est de la teuf à donf là. Non, non mais il faut tout faire, hein. Faut tout faire. C'est vraiment un pur bonheur. Après, tout dépend de comment des gens, mais vraiment, si vous êtes des fêtards, allez-y, quoi. Il y a à bouffer, il y a à le boire, il y a tout ce qu'il faut. Donc on sort de chez soi, quoi. Là, vous habitez pas loin, en fait. Vous venez, paf, profiter. Du côté de la gare, moi. Moi, j'habite à la gare, centre-ville, donc ici, tu fais la... Mais même de chez moi, j'entends tout ici, hein. T'entends tout, le foot, le machin, le bordel, t'entends tout. Tout ce qui se passe. Tu sais, quand c'est la fête, les feux d'artifice, je les aime même de chez moi. J'aime même pas bien bouger. Non, et... C'est top. C'est quoi que vous nous conseillez pour vivre au top ce fil ? Oh, moi je dirais faut tout faire, hein. Faut vraiment tout faire. Bah, y a déjà la convivialité au niveau des gens. Là on est souriant, on se connaît pas, puis c'est comme si ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. On s'en fout quoi. C'est la fête quoi, la folie. Et à Bayonne c'est un peu pareil. Ouais. C'est le même système. Ouais. Mais c'est pas sur 10 jours par contre. 3 jours à Bayonne. Par contre t'as un petit peu le mélange Bayonne avec toutes les fêtes en même temps de l'Espagne. Et là t'as les danses, les costumes. Et là vraiment ça pète. C'est vraiment à voir. Et comme ici quoi, les danses, les costumes, ça pète. Tout. Ouais. Faut tout faire. Faut même pousser le bouchon beaucoup plus loin. Et en parlant de danse, Jacqueline, vous avez embarqué votre petite fille dans votre cercle de danse. Oui, depuis très longtemps, depuis qu'elle est toute petite, elle défile avec nous et elle danse. Ah oui, c'est super, ah oui, elle adore ça. Et c'est quand la prochaine fois que vous allez danser ensemble avec le cercle? Vous pouvez nous rappeler le nom? On a dansé hier au Jardin des Luthiers. Et le nom de votre groupe, c'est? C'est le Cercle Briseux de Lorient. Merci beaucoup. Merci Marina. On va se retrouver tout à l'heure après les infos de 18h au cœur du Festival Interceltique de Lorient en direct jusqu'à 21h. La musique du Festival Interceltique de Lorient est sur France Bleu Brésil. Clément Soubigou prendra les manettes en breton entre 19h et 21h. Voici un quintet écossais qui mêle la musique folk et les sonorités contemporaines. Ils sont de la grande soirée Bretagne-Écosse ce soir au théâtre Bréhamar.

La Fédération française de voile parle de signalements qui concernent d'autres comportements inappropriés de Kevin Escoffier envers des femmes. Différents de ceux pour lesquels il était jusque-là mis en cause. Des signalements qu'a reçu la cellule de la Fédération en charge de la lutte contre les violences sexuelles. La FFV ne souhaite pas en dévoiler davantage à ce stade, mais selon nos informations, des choses plus concrètes pourraient être dévoilées d'ici 2 semaines. Le dossier Escoffier s'épaissit car cette procédure vient donc s'ajouter à celle ouverte en juin. Elle concerne des faits survenus un mois plus tôt en mai. Des faits apparentés à une agression sexuelle envers une jeune femme, c'était aux États-Unis lors de l'escale de la course au large The Ocean Race. Le skipper de 43 ans avait été immédiatement débarqué par le sponsor de son IMOCA, Holcim PRB. L'enquête judiciaire, elle, se poursuit et pourrait donc compter ces nouveaux témoignages recueillis par la Fédération française de voile. Les explications de Valentin Belleville. L'association rennaise La Nature en Ville saisit la justice contre les travaux d'agrandissement du centre d'entraînement du Stade Rennais. Ça se passe sur le lieu de la Piverdière à la Prévalet. L'association écologiste demande la suspension des travaux qui ont débuté cet été jusqu'à la décision de justice finale. Elle dénonce la destruction de terres utilisées autrefois pour le maraîchage et l'imperméabilisation des sols. Car à terme, le Stade Rennais doit étendre sa surface d'entraînement de 11 hectares aujourd'hui à 15 hectares. Laurent Pichon raccroche le maillot rouge et noir. Le coureur cycliste breton d'Arkéa Samsic prendra sa retraite à la fin de la saison après 14 ans chez les pros. Au championnat du monde de cyclisme à Glasgow, le jeune Breton est dit le 8 août avec la France sur le contre-la-montre mixte espoir cet après-midi. L'équipe française s'était lancée sur le parcours vers 17h10. Le festival interceltique 2023 n'est pas encore terminé à Lorient, mais déjà on connaît les dates et le thème de l'édition 2024. Ce sera du 12 au 18 août de l'année prochaine, un peu plus tard que d'habitude à cause des JO. Pas de pays à l'honneur, mais un focus sur la jeunesse celte. Il est 18h05 sur vos France Bleu de Bretagne. Tout de suite, la météo. La météo 100% locale avec Glacéo, expert engagé de la réparation et du remplacement à domicile de votre pare-brise. Découvrez le pare-brise positif sur www.glacéo.com. Bravo Namzer, il fait beau à Lorient, Axel ? Mais il fait pas encore assez beau. Ah. Il fait pas encore assez chaud, puisque dans un instant, on aura 40 musiciens du Bagade de Lorient. Ah là, ça va faire monter la température. Ça va faire grimper parce qu'il fait 24 degrés à Lorient, au cœur du Festival Interceltique de Lorient. Bon, à Quimper, 25. Un petit peu moins sur les côtes de la Manche. On a 20 degrés du côté de la Berre-Île-d'Ut, 21 degrés à Perros-Guirec. Et puis quand on revient dans les terres des Côtes d'Armor, on a 26 degrés à Loudéac et même 27 dans le pays de Pontivy. La nuit s'annonce nuageuse avec quelques averses éparses dans les Côtes d'Armor et le Morbihan. Quelques orages même dans le sud Finistère. Avec 15 à 18 degrés, 18 degrés à Lorient par exemple, et quelques gouttes annoncées. Pour demain, nous serons le 10 août avec 22 degrés pour le festival interceltique. Des nuages nombreux, mais le temps va rester sec. Avec grosso modo de 21 à 30 degrés d'ouest en est de la Bretagne. Vendredi, des petites pluies ici ou là. L'après-midi, ce sera sec. Du soleil et des nuages pour samedi autour de 20 degrés. Donc ça redescend ce week-end avec 19 à 21 degrés pour la dernière journée du festival. Quelques ondées attendues. Belle soirée, Ninoc. Nosvat. France Bleu Brésil, en direct du Festival Interceltique de Lorient, Axel Pérez. Émission spéciale en direct du Festival Interceltique de Lorient jusqu'à 21h. On vous propose des invités, les acteurs du festival, des artistes et du live, puisqu'on entendra le Bagade de Lorient. On entendra aussi Nicolas Radin et sa Banda La Tierra. C'est un groupe qui mêle des Asturiens et des Bretons. Et le live va continuer avec Clément Soubigou qui va vous accompagner en français, en gaélique, en anglais, en breton de 19h à 21h sur France Bleu Brésil. Puis dans quelques instants, au cœur du festival qui fête ses 52e édition, on va retrouver Marina Uri pour la rencontre des bénévoles, des festivaliers pour cette belle édition. Hein. Beaucoup de spectacles étaient complets, c'est encore le cas jeudi, demain pour la grande soirée de l'Irlande. Il reste quelques petites places, nous disait-on hier. Hier, la légende irlandaise a fait le plein comme samedi, les Kilkennys qui ont joué au Palais. Et puis sachez que la jeunesse celte sera l'honneur l'an prochain du 12 et 18 août. Le festival interceltique a décidé de rendre une thématique la jeunesse celte. Donc toutes les nations représentées et le jeune âge et les jeunes talents de demain et d'aujourd'hui. France Bleu Brésil, en direct de Lorient pour le Festival Interceltique 2023, année de l'Irlande. Et ils sont tous venus, hein, les Irlandais évidemment. La fête continue, mais il y a un groupe qui a vraiment réjoui le public, c'est le groupe Clannad. Alors, c'est pas la première fois qu'ils viennent évidemment à Lorient, mais ils ont fait une dernière date en Europe. C'était ce 6 août au Festival Interceltique de Lorient. Dérivé du mot clan, hein, ce qui signifie famille en gaélique irlandais. Clannad sur France Bleu, Bray Zizel. Fishing Blues, le groupe irlandais Clannad, hein, qui a salué son public pour une dernière date en Europe. C'était ce 6 août au Festival Interceltique de Lorient. France Bleu Bray Zizel, au cœur du Festival Interceltique de Lorient. Il y a donc ces grandes stars irlandaises et de tous les nations celtes, hein, que sont venus voir les festivaliers. Avec qui vous êtes, ma chère Marina Uri, tout au long de cette émission? Oui, et là je suis avec Patrick et Maeve qui viennent d'Irlande. Écoutez ça. Ce sont de jeunes adolescents qui jouent devant les passants, là, en face des bateaux sur les quais. On se régale et les gens mettent des madeleines, des pièces, des billets. Et j'ai rencontré leur maman, Margaret. Hi, Margaret. Hi, bonjour. Oh, bonjour. Are you from Ireland? So, which city? We're from Ennis, on the west coast of Ireland. Where there's a... Ennis, yeah, sur la côte ouest. Ok, vous êtes là in vacation, en vacances? Yes, just for a few days. Yeah. Pour quelques jours, ils sont là en vacances. It's because Ireland is à l'honneur du festival. C'est ça. Yes. And this is our second year coming here. C'est la deuxième fois que vous venez ici à Lorient, en Bretagne? Yes. And my children play music for the last five or six years, concertina and fiddle. Et là, elle nous explique que Maeve et Patrick, ils jouent du violon et de la concertina. Et ça fait quelques années qu'ils jouent. Et en fait, vous venez in vacation and you make your children play. Vous venez en vacances et vos enfants jouent. Well, they like us, you know. Bah, et voilà, elle me dit que finalement, bah, ses enfants, bah, ils aiment bien leurs parents. Du coup, bah, ils ramassent les sous-sous. On se régale. Voilà, Axel. Et il y a même des madeleines parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Visiblement, à tout à l'heure, Marina Uri, en direct du Festival Interceltique de Lorient. Vivez le Festival Interceltique de Lorient en direct sur France Bleu Brésil. Il n'y a pas assez de musique, il n'y a pas assez de chaleur, il fait que 25 degrés. Ça va chauffer dans quelques instants avec le Bagat de Lorient qui va jouer en live sur France Bleu Brésil. Nous sommes avec le directeur artistique Elias Lebot et le président du Bagat, Christophe Legovic. Bonjour les garçons, bienvenue sur France Bleu. Bonjour. Bonjour Axel. Alors c'est une édition importante pour vous parce que c'est l'occasion de fêter les 40 ans du Bagat de Lorient. C'est combien de musiciens, Christophe, sur ce Bagat? Vous êtes talabardeur. Alors le Bagat de Lorient, l'association en entier, c'est 160 membres qui sont répartis sur trois ensembles. Le Bagat de première catégorie qui comprend 53 membres. Le Bagadic qui est l'école de formation. Et le Bagat de Pligeadur, comme son nom l'indique, qui est un Bagat de loisirs pour les sonneurs expérimentés qui n'ont plus envie de faire de concours. Voilà, il y avait concours samedi. Ils sont là pour se retrouver pour faire de la zik. Il y avait concours samedi au Festival Interceltique de Lorient et le Bagat a terminé à la 9e place. Et devant, on rappelle le trio, hein, Cap Caval pour les Bigoudins, Quimper et le Colmindon pour les Morbihanais. Exactement. Accède en première, donc vos nouveaux copains, ce sera Brest pour la première fois et Pomerit le Vicomte. Alors, Elias Lebot, vous avez travaillé spécialement pour une création pour fêter ses 40 ans. Porgiou sera donné vendredi au théâtre. Et comment vous avez marié musique d'aujourd'hui, création, composition et tradition? Eh ben, l'idée c'était d'inviter des musiciens professionnels du bassin lorientais pour venir un peu nourrir notre musique. Ils ont fait partie de l'écriture, de la création, donc l'idée c'était qu'on retrouve un peu leurs pattes dans la musique du Bagat. Parce qu'on a quand même essentiellement repris des morceaux du Bagat. Avec une nouvelle couleur pour ses 40 ans. Ouais. Il y a notamment un ancien sonneur, Éloine Le Sauze, qui est chanteur très connu. Il est de nombreuses fois cette année sur le festival dans différents groupes. Voilà, il a été sonneur, il est chanteur, il est aussi invité. Ouais, c'est ça. Il a même sonné cet hiver avec nous, donc il joue encore avec nous à l'occasion. Mais oui, il est invité. C'était l'idée, c'était aussi d'avoir des gens proches du Bagat aussi, de l'association et tout ça. Yun Kam à la trompette sera avec vous. Ouais, c'est ça. Et puis Yona Léon, la violoniste. Yona Léon, Étienne Calac. Étienne Calac à la basse. Martin Chaperon et Lionel Prigent. Voilà, cette création s'appelle Porjou. Hein. Ça évoque évidemment Lorient, Christophe. Complètement. Le Bagat de Lorient a l'attachement à son territoire qui est assez fort. Et donc c'est vrai que c'est une façon de mettre en valeur le patrimoine riche de notre territoire et de pouvoir le faire dans l'avenir par de la diffusion, rayonner un petit peu partout en France et on espère même un petit peu plus loin. Bah oui, puisque certains d'entre vous sont allés à New York défiler pour la parade de la Saint-Patrick. Vous avez joué ici même dans ce festival avec Alan Stivell. Et puis je crois qu'il y a des liens étroits aussi avec des musiciens écossais ou irlandais, ça se fait souvent. Oui, complètement. Au sein du Bagat, on a plusieurs membres à part entière qui viennent en répé en avion d'Écosse, qui sont vraiment des membres à part entière. Donc Paul, Craig, notamment cette année pour le concours de première à Lorient. Voilà, nouvelle création donc Porjou, hein, qui fait évidemment allusion au port de Lorient. Il y en a 5 dans cette rade de Lorient. Ce sera le grand spectacle des 40 ans. On le rappelle au théâtre vendredi. Hier, vous étiez à la place des Pays-Celles. Tout à l'heure, vous avez défilé dans la ville. Nouveau défilé dimanche. Le festival, c'est à peu près 1 à 2 prestations par jour pour le Bagat. Donc c'est vraiment le point d'orgue de notre saison. Encore plus cette année, sur notre année de 40e, qui a été une année super riche. Hein. On a fêté en grande pompe nos 40 ans le 13 mai à l'occasion de la Gouille Braise à Lorient. On a fait un déplacement il y a 2-3 semaines du côté du festival d'Ortigueira en Galice. Ça voyage. Et donc Le fil, ouais, bien évidemment, ouais, c'est le point d'orgue de toute saison et encore plus cette année. Christophe Legovic, président du Bagad de l'Orient, s'il y avait un mot pour définir l'ambiance, ce qui vous lie dans le Bagad de l'Orient depuis 40 ans. Cohésion. Cohésion. Cohésion, bonne humeur. Et ben on va vous entendre à la bombarde. Je vais vous laisser rejoindre l'équipe. Elias Lebout, qui est le directeur artistique du Bagad de l'Orient. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous êtes en direct sur France Bleu Brésil. France Bleu Brésil, en direct du Festival Interceltique de l'Orient, le live. En direct du Festival Interceltique de l'Orient sur France Bleu, le Bagad de l'Orient qui a 40 ans. Voici un extrait du travail de ce magnifique ensemble de plus de 40 musiciens en ce moment sur France Bleu. Bravo, on les applaudit. en Orient, le Bagade de l'Orient en live sur France Bleu. Merci à toutes et à toutes pour cette belle prestation. On vous retrouve pour la création Porgiou. Ce sera vendredi au théâtre pour les 40 ans du Bagade de l'Orient. Et il reste encore quelques places à vendre. Profitez-en. En direct du France sur France Bleu Brésil du Festival Interceltique de l'Orient. France Bleu Brésil au cœur du Festival Interceltique de l'Orient. Le festival, c'est aussi le off, et la programmation est très riche, mais il y a le off aussi. Vous allez pouvoir applaudir Wibidoop, le groupe de Régis Suivant, ce soir la Taverne à Roué Morvan, la Taverne du Roi Morvan, mais aussi le Bagade de Plumeur, en voisin de l'Orient. Ils sont sur la scène Je dévore ma Bretagne, place Aristide Briand, ou encore Scrigius, le jeune groupe breton à la truie et sa portée. Au cœur du festival, dans l'ambiance, on vous retrouve Marina Uri. Olivier qui est bénévole, et je me suis arrêtée vers lui parce qu'il était aussi il a un autre nom, un nom de scène, c'est Chrysalide. Ça va Olivier? Bien, bonjour, merci. Et là il porte une magnifique robe noire à paillettes avec des boas en plumes et puis des plumes de coq violette et un chapeau en papillon. C'est merveilleux. Butterfly est parmi nous. Marina, on vous a perdu avec votre invité, mais c'est pas grave. On est là. Oui, allez-y. Attendez. Alors, parce que c'est la naissance du papillon après la vie, en fait, voilà, Lady Chrysalide. Et ça fait combien de temps que vous êtes bénévole au fil, Olivier? Alors, moi, c'est la première année, parce que j'avais une boîte de nuit, donc j'étais pas disponible, mais comme là, je suis disponible, là, j'ai voulu le faire. C'était où votre boîte de nuit à Lorient? À Lorient, le Titi Club, rue Maréchal Foch. Et Chrysalide, vous venez... C'est mon nom de scène que j'avais chez Michou il y a quelques années en arrière, donc voilà, et comme je continue à faire des spectacles de temps en temps, et j'ai un projet d'ouvrir un restaurant spectacle sur Lorient, donc je cherche simplement un investisseur. D'accord, c'est une exclusivité, nouveau restaurant, il s'appellerait comment ce restaurant? Le Titi Folies. Et je voulais savoir comment vous avez fabriqué ce déguisement là derrière, ces boas tout en plumes qui vous auréolent. C'est des armatures, alors soit on les fabrique, les armatures, soit on les achète et après on les agrémente. On a plein de possibilités. Maintenant, avec les matériaux, c'est léger, on en fait ce qu'on veut, quoi. Et là, les gens s'arrêtent pour prendre des photos avec vous? Prendre des photos, et surtout, ça fait 8 ans que je le fais pour le festival le mercredi, et j'ai beaucoup d'exposants qui sont réguliers et qui m'appellent et qui m'attendent le mercredi pour ça. Juste pour prendre des photos avec vous. Et pour faire la promotion de leur stand. Et comment ça se passe, le festival interceltique de l'Orient, pour vous, là? C'est un très beau festival cette année, il y a beaucoup de monde, on a commencé sur les chapeaux de roue, c'est très bien, il fait beau et tout va bien, quoi. Vous n'avez pas trop chaud comme ça? Ah non, ça va, on a l'habitude. C'est quoi le programme de la suite de la journée là? Ben là je vais finir et puis après je vais aller me changer pour endosser mon costume de bénévole au fil pour le contrôle de ce soir. D'accord, vous êtes à quel endroit exactement? Sur la place Celte. D'accord, et vous contrôlez les gens Avec le badge. D'accord. Et si on porte des plumes violettes, est-ce qu'on a un droit de passage? Je sais pas, faut que je demande au responsable. Et Chrysalide, il en pense quoi? Bah, normalement, on devrait pouvoir laisser rentrer Chrysalide. Ah, ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle, Axel. Et ben, merci en tous les cas pour ce sourire, cette belle richesse du Festival Interceltique de l'Orient, alors qu'on entend sur le quai de la Bretagne eh bien, le groupe Vindotale qui a commencé. Alors, on va accueillir avant 19h la Banda La Tira, rencontre d'Asturiens et de Bretons sur France Bleu Brésil. Le live continue et l'émission continue en direct jusqu'à 21h. Vivez le Festival Interceltique de l'Orient en direct sur France Bleu Brésil. Voici un groupe qui nous vient du comté de Waterford, Danu, un des principaux groupes traditionnels d'Irlande aujourd'hui. Ils seront de la grande soirée de l'Irlande demain. Gros succès hein, puisque au théâtre c'est complet. Voici Danu sur France Bleu Brésil. When you're out walking and there's no one near you, but a voice keeps calling and you hear your name. It's not the leaves or the whispering breezes, it's me that's calling you back again. Oh, can you hear me? you roam through lonely London town. When evening's falling, you'll hear me calling. Come on home now to the county town. Do you remember the fiddlers playing? The songs and stories the whole night long. 'Tis little then that you thought of leaving. It seems so strange now that you are gone. Oh, can you are dancing on Llanrai River. The teams are sporting in old Glenvale. My heart no longer can lead the cheering when you're not playing. As you roam through lonely London town, when evening's falling, you'll hear me calling. Come on home now to the county town. Things are changing, and that they're building a factory tall, and young ones needed again in Newry. But I still need you the most of all. Oh, can you? As you roam through lonely London town, when evening's falling, you'll hear me calling. Come on home now to the county town. Le groupe irlandais Danu, qui sera de la grande soirée de l'Irlande. C'est au théâtre, au Festival Interceltique de Lorient, demain soir à 21h. Suite de cette émission spéciale, en direct du Festival Interceltique de Lorient, dans un instant. Le Festival de la Saint-Loup, le rendez-vous de danse bretonne et de musique celtique le plus ancien de Bretagne. Ouvrez bien grandes les oreilles, à la Saint-Loup cette année sur scène, vous allez découvrir les Négresses Vertes, Lunasa, Elephant Session, Clarisse Labanan, sans oublier les Fesnoz, les spectacles de rue, les défilés et le championnat national de danse bretonne. Du 16 au 21 août, le Festival de la Saint-Loup à Guingamp, l'une des plus belles histoires de la culture bretonne. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, partout en France, 44 radios locales, Au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu Breizh-Izel, ici, on parle d'ici. Les nations celtes sont à l'honneur sur France Bleu Breizh-Izel, en direct du Festival Interceltique de Lorient. Et ces huit nations celtes sont vraiment à l'honneur du projet dont on va parler tout de suite, un Celtic Odyssey numéro 2. Ce sera le grand spectacle à voir vendredi soir à l'espace Pichard, au cœur du Festival Interceltique de Lorient. On en parle avec Ronan Lebars, qui est le chef d'orchestre, le maître d'œuvre de ce voyage musical. Ronan, bonjour. Bonsoir Axel. Musicien de Guingamp, joueur de Yulen Pipe, c'est incroyable. Vous avez convaincu 17 artistes de venir jouer de quasiment toutes les nations celtes autour de vous. Ça va être un vrai voyage musical de l'Écosse jusqu'à la Galice. Oui, alors écoutez, je ne suis pas seul décideur, hein. Il y a aussi le Festival Interceltique et par le biais de Jean-Philippe Moras, on travaille sur différents artistes parce que forcé quand on est joueur de Yulon Pipe, on est plus axé sur l'Irlande ou voir l'Écosse. Il y a des pays qu'on ne connaît pas trop et c'est bien dommage d'ailleurs parce que souvent il y a des talents. Donc voilà, je travaille vraiment en parallèle avec le Festival Interceltique. Et effectivement, donc le but de cette création, en fin de compte, c'est de faire un voyage musical. Donc en partant de la Galice, généralement on part de là, et puis on remonte jusqu'en Écosse. Et puis là on va finir par l'Irlande vu que c'est le pays habité cette année. En passant par l'Asturie, les Asturies, la Bretagne, les Cornouailles, l'île de Man, l'Écosse, le Pays de Galles, hop, on les oublie pas. Non. Et l'Irlande, évidemment. Évidemment. Alors certains des musiciens qui seront autour de vous, 17 artistes, sont venus à ce micro depuis hier en live. José Manuel Terredor est venu sonner de la gaita des Asturies. Ewen Henderson est venu chanter. Il joue aussi du fiddle, il vient d'Écosse. Et il est dans le groupe Man Ran avec Kim Carney, la chanteuse, qui font aussi partie de vos invités. Oui. Et puis on a reçu Annie Ebrel hier, qui a inauguré l'émission live depuis le festival. Et elle nous a dit, ben non, on n'a pas encore travaillé, on va faire ça au cœur du festival. C'est comme ça que ça se passe, c'est incroyable. Alors, il y a deux parties, enfin, il y a même plusieurs parties, il y en a au moins trois. Disons que dès le mois de septembre, je m'affaire à composer des suites. Donc, je demande au préalable, donc aux gens qu'on a conviés à venir, de me donner plusieurs morceaux. Moi, je fais mon petit marché là-dedans pour faire un spectacle qui se tienne, en fin de compte, voilà. Ça, c'est le premier travail. Après, le deuxième consiste à bien dégrossir au niveau des arrangements. Je peaufine les arrangements donc avec le groupe que j'ai composé autour de moi, de Breton, qui accompagne en fin de compte tout le monde. Voilà, donc ça, c'est le gros du travail de l'hiver. Ça, une fois que c'est fait, généralement, on enregistre donc dans un petit studio qui se trouve par chez nous, et puis on envoie donc nos épreuves aux différents musiciens, chanteuses, chanteurs. Voilà. Ouais. Donc ils nous disent si ça va ou si ça va pas. Mais c'est vrai qu'après, ce sont des gens qui courent la planète de long à large, à travers. Donc évidemment, c'est pas possible de les faire venir à Trégastel tous les week-ends. Donc en fin de compte, la seule journée où on peut vraiment les toucher, c'est la veille du concert. Donc c'est demain, pour vendredi. Voilà, nous faisons 10 heures de répétition dans la journée pour essayer de caler tous les morceaux. Et puis après, Annie Ebrel n'avait pas menti, voilà, ça se passe demain. Non, alors à vos côtés, il y aura des musiciens bretons, hein. Liam Rudil à la guitare, Pierre Tardivel à la contrebasse, Aymeric Le Martelot au clavier, Thomas Bessé à la batterie. Autour de vous, Ronan Lebars au Yulon Pipe. On a cité quelques-uns, Patrick Rims est venu jouer tout à l'heure du violon, hein, du groupe Vree du Pays de Galles, la chanteuse Mary Ridney Mahoney d'Irlande du groupe Alton, oui. Qui joue Mana ce soir. Voilà, et bien sera aussi de la partie. C'est finalement à la fois la diversité, cet arc celtique atlantique, et puis des choses communes, Ronan Lebars. La chose commune, je pense qu'on peut la trouver dans le spectacle de par mes arrangements, puisque forcément il y a un son commun justement à tous les artistes, c'est ça qui est aussi intéressant. Et il faut qu'on se mette vraiment à notre place, c'est-à-dire qu'on est là pour essayer d'embellir en fin de compte le morceau. S'il n'y a pas besoin de pipes, par exemple, je ne joue pas. C'est vraiment, on est au service des gens invités, quoi. Est-ce qu'on est au service de la tradition ou est-ce que vous permettez beaucoup d'innovation, de composition? Alors, en règle générale, c'est vrai que, par exemple, comment il s'appelle, José Emmanuel Terredor, généralement m'envoie des compositions. C'est assez rare qu'il m'envoie. Le genre des, de Gaïta Asturien. Voilà, voilà, qu'il m'envoie des airs traditionnels. Par contre, Ruth Keeling des Îles de Man, ou Kim Carney, et j'en passe, ou Annie Ebrel d'ailleurs, m'envoie des airs traditionnels. Donc voilà, il y a quand même un air de modernité quelque part. Et à la fois, bah, on est quand même ancré, parce que moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est qu'on fasse la différence entre une Écossaise, un Irlandais, une personne galloise, une Bretonne, et ainsi de suite. C'est-à-dire que j'essaie de leur demander, en règle générale, par exemple, quand c'est des chanteurs, de m'envoyer des chansons avec la langue du pays et non pas de l'anglais. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc voilà, on reconnaît quand même, je pense, tous les pays invités et leur diversité. Mais il y a quand même ce côté lissage, puisque ce sont les Bretons qui accompagnent en fin de compte tous les gens. Donc il y a le même son et puis bon. Et vos arrangements. Ronan Lobars, joueur de Yulon Pipe et chef d'orchestre de cette Celtic Odyssey. Alors c'était gros succès l'an dernier pour le premier rendez-vous. Là c'est inédit puisque ce sont des musiciens, des chanteurs, des chanteuses différents. Et ce sera donc ce vendredi à l'espace Pichard pour une soirée unique. Hein. Prenez votre place pour Celtic Odyssey. On va entendre une voix qu'on n'a pas encore entendue dans ces émissions sur France Bleu Brésil et qui sera justement à vos côtés. Elle vient de l'île de Man. Voici Ruth Keeling sur France Bleu. Merci Ronan Lobars. Merci à vous. Et rendez-vous à l'espace Pichard donc vendredi soir. Oui, venez nombreux. Quel abo. La musique du Festival Interceltique de Lorient est sur France Bleu Brésil. Captain Vincent, way up in our hank shoe, let them run. Bam, a grinding gotcha. Que vous avez entendu hein, dans ce duo, c'est Ruth Kagan qui fait partie des grandes chanteuses. Elle vient de l'île de Man, qui n'est pas souvent mise à l'honneur, mais ce sera le cas hein, pour Celtic Odyssey, la création de Ronan Le Barce avec des musiciens, 17 artistes de toutes les nations celtes. À ne pas manquer, allez-y, prenez votre place pour l'espace Jean-Pierre Pichard, vendredi soir au Festival Interceltique de Lorient. France Bleu Brésil, au cœur du Festival Interceltique de Lorient. On n'en est qu'à la moitié. Et oui, de ce festival, ce beau festival interceltique de Lorient qui a commencé vendredi. On va parler de drôles de concours, de musique, mais aussi de fun dans quelques instants avec notre invité Nicolas Radin qui notamment organise le Kitchen Music avec des sonneurs absolument incroyables qui font le show. Mais d'abord, on retourne dans l'ambiance du festival interceltique à Lorient avec vous, Marina Uri. Et je suis à l'entrée du Pays des Celtes et j'ai rencontré des kilteurs et des kilteuses. On fait un petit tour de prénoms kilt. Bonjour, donc moi c'est Alonso, donc du coup c'est un McKinnon que je porte actuellement sur moi. Et moi c'est Jocelyn, et du coup je porte un kilt des couleurs du clan Fraser. Ah bah, je m'appelle Marion et voilà. Et t'as un kilt bleu? Ah, je sais pas de... C'est quoi le clan? Moi c'est Alexandre et j'ai un kilt d'un clan militaire écossais. Moi c'est Thomas et j'ai un kilt d'un clan de Glasgow. Moi c'est Pierre Lou et j'ai un kilt du clan Stuart. Et aussi ce qu'il vous a pas dit, c'est que y a aussi une belette morte hein, sur les épaules, des peaux de mouton et il y a des colliers en liège. Ouais, il s'appelle Roger, ouais, et il va vous dire quelques mots. Bonjour. Voilà. Et Alonso, comment on reconnaît les kilts militaires et les kilts pas militaires? Du coup, donc au niveau des kilts, donc c'est suivant par rapport au niveau du pli. Donc si les plis, en fait, plus ils sont courts, plus ils appartiennent à la catégorie militaire. Plus ils sont longs, voilà, ça appartient plus à la catégorie civile. Après, on a différentes tailles. Et un kilt, normalement, va jusqu'à 8 mètres de long au niveau du tissu. C'est énorme. Voilà. Et quand on met sa main, je vais pas le faire, mais quand on met sa main dans le pli du kilt, on peut... Là, voilà, là, sur la longueur de kilt, donc sur un de mes plis, en fait, je peux mettre ma main en entière à l'intérieur. Ça veut dire que c'est de bonne qualité? C'est de la bonne qualité, mais en effet, c'est durable. Voilà. Et là, vous vous retrouvez ici tous les ans au fil? Oui, c'est ça, ouais. On est un groupe de copains et puis on se retrouve à chaque année. On se remet tous en kilt et puis voilà, c'est les retrouvailles, quoi. Et on est prêt à faire 9 heures de route pour ça. Ah, pour se retrouver ici. Et lui, il vient de Reims. Moi, je viens de Reims. J'ai habité longtemps ici et je suis revenu de Reims exprès pour ça et tous les ans, ça sera le cas. Et voilà. On fait 9 heures de route pour se retrouver entre copains et mettre les kilts. Et sinon, y en a qui habitent ici à l'année. Et du coup, même à l'année, c'est l'occasion de se retrouver encore plus entre copains. Alors qu'on est quand même à Lorient tout le reste de l'année. Mais voilà, on se remet en kilt et on voit tout le monde et c'est sympa. Ouais, on se retrouve quoi? Et toi, tu viens d'où? Moi, je suis originaire du secteur de Lorient. Voilà. Ça fait quelques années que je connais cette équipe de kilt. Et là, tu es avec ton animal. C'est qui ce chien aux œillets ronds magnifique qui ressemble à un loup? Il s'appelle Sigvard. C'est un croisé Yuski que j'ai adopté dans un refuge. Alors le Yuski plus le kilt bleu, c'est trop la classe. Hein. Franchement, je suis pas bien entourée. Et un petit souvenir du festival interceltique. Alonso, avant, vous travailliez à la sécurité. Oui, tout à fait. Donc je bossais ici en sécurité. Donc pour une petite histoire, avant, on se retrouvait avec tous les bénévoles, les personnels d'établissement ici, de bar et tout ça. Et on faisait une super fête avec tout le monde rassemblé. On a essuyé de la pétanque à des pas d'heure du matin. Et on se retrouvait après pour rebousser, retravailler de nouveau en fait. Et c'était vraiment un moment magique, quoi. C'est une ambiance que vous retrouvez chaque année, c'est la fête chaque année ici. Voilà, donc on compte les jours en fait, on prend le calendrier, on fait une croix chaque année et tout. Chaque jour en fait, on fait une croix et on commence à regarder. Et plus le mois d'août approche et plus on est voilà, sous la tension de se dire on va tous se retrouver et repasser encore des bons moments. Et du coup, moi pour ma part, ça fait à peu près 2 ou 3 ans que j'habite à Lorient et que j'ai découvert le fil et que j'ai rejoint du coup ma bande de copains de Kilt pour profiter du festival et découvrir de beaux groupes et de beaux événements autour de la culture celtique. Merci beaucoup. Et eh ben les kilteuses l'année prochaine, peut-être France Bleu Brésisel, tous en kilt. J'espère. Merci Marina Uri qui a eu la grande gentillesse de ne pas demander ce qu'il y avait sous un kilt, et ça c'est bien pour une fois. Allez, à tout à l'heure évidemment, on continue en musique. Il y aura tout à l'heure du live avec le groupe Oni. On a dansé la gavotte ensemble, gavotte sur ce groupe-là de chant. Eh bien, on aura le plaisir de les avoir en live puisque l'émission continue jusqu'à 21h. France Bleu Brésisel, partenaire du Festival Interceltique, émission spéciale en direct de Lorient. C'est l'année des anniversaires au Festival Interceltique de Lorient, les 52 ans du festival, mais c'est aussi les 40 ans du Bagad de Lorient. Ils étaient nos invités il y a quelques instants, ils ont sonné. Les 50 ans du Canarbaume qui met à l'honneur le chant et les musiques traditionnelles. Et les 50 ans de Dastum qui justement font du collectage extrêmement important de chants et de musique. Et Dastum qui fête ses 50 ans à une soirée, c'est ce soir au Palais, et met à l'honneur une création du groupe Mode Cosmique Galactique. Ménesquernal, voilà, qui est un lieu dit du centre du Finistère. Voici Mode Cosmique sur France Bleu Brésil. Le groupe breton Mode Cosmique qui rendra hommage à la tradition, mais avec une création teintée de jazz pour la soirée Dastum des 50 ans. C'est ce soir au Palais, au cœur du Festival Interceltique de Lorient, à 21h30. Les nations celtes sont à l'honneur sur France Bleu Brésisel, en direct du Festival Interceltique de Lorient. Notre invité est ancien pensionneur du Bagad de Landbiway, je ne me trompe pas, Nicolas Radin, bonjour. Exactement, bonjour. Et en charge tous les soirs sur le Festival Interceltique de Lorient à 18h du trophée Loïc Raison à la place des pays celtes. Histoire de promouvoir les musiques, les chants, ce sont des amateurs ou des professionnels qui mettent du contemporain dans la tradition? Exactement, c'est l'idée de trouver un petit peu les artistes de la scène de demain. Tous les jours, il y a 3 groupes qui concourent entre le lundi et le vendredi. Il y a 4 jurys qui vont sélectionner 4 groupes et il y aura une finale qui sera faite ce samedi. Samedi, 4 groupes hein, sélectionnés pour la finale à 18h. On a entendu en ouverture d'émission tout à l'heure Algaire, les Asturiens, qui avaient remporté le trophée l'an dernier. C'était extraordinaire, ils ont une énergie, 3 femmes chanteuses qui emportent le public, on était tellement contents. Alors, c'est une énergie incroyable. Ils ont invité des chanteuses bretonnes, Steren et Marine, hier soir au club. Ouais. Voilà, donc ils ont aussi la grande scène du club des musiciens actuels ayant gagné le trophée l'an dernier. C'est ça, en fait. Les lauréats, quand ils gagnent le trophée Loïc Raison, ils deviennent estampillés Festival Interceltique de Lorient. Et ils partent en tournée dans tous les pays celtiques, en fait. Et le clin d'œil d'Algaïré des trois chanteuses de Iben, c'est super. C'est-à-dire qu'elles se sont rencontrées au Festival de Lorient l'année dernière. Trois femmes en Asturie, trois femmes en Bretagne. Et elles font une petite création ensemble un an après. Je trouve ça, ça c'est le festival. Voilà, c'est à 18h, hein, ça a commencé, mais ça sera aussi demain et jusqu'à samedi. Et un petit clin d'œil sur le Loïc Raison, c'est que tous les ans, on a des groupes qui viennent évidemment de tous les pays celtiques. Et puis, on a eu des Japonais, on a eu des Brésiliens, on a eu des Finlandais. Cette année, on a des Chiliens qui sont venus pour le trophée Loïc Raison, qui jouent de la musique irlandaise, qui vivent au Chili. C'est incroyable. Sinon. Voilà, c'est ça l'esprit du festival interceltique de Lorient. Et puis demain, il y a un rendez-vous hors norme dans ce festival qui est déjà un défouloir pour beaucoup de musiciens sur un ring, le concours Kitchen Music. Des sonneurs de gaïta, de cornemuse, est-ce qu'ils ont tous les droits ? Tous les droits, en fait, au festival de Lorient. Partout aux quatre coins de la ville, il y a des concours où les musiciens préparent, on va dire très sérieusement, leur suite, des marches, des mélodies, des danses à un niveau d'excellence. Et en fait, ce concours, il a été inventé en 1800 quand les pipers qui jouaient pour la reine allaient remercier en cuisine tous les gens qui travaillaient pour la reine. Et l'idée, c'était de jouer des morceaux populaires. D'où le nom de Kitchen Music, Kitchen, ouais. la cuisine en anglais. On peut venir en basket, déguisé ou en short, comme on veut. Exactement. Il y a des clins d'œil qui se font maintenant, qui jouer un répertoire, peut-être deux films de musique populaire, et d'avoir la tenue qui va avec le répertoire. Donc c'est vraiment drôle. Il y a en gros, en général, 600 personnes qui sont autour du ring, et c'est le public qui vote. C'est-à-dire qu'on distribue des bulletins de vote, et c'est vraiment le public qui vote les pour le lauréat. Et parfois, le rock ou les comptines s'invite aussi sur exactement, ce ring. Exactement. Voilà, le concours Kitchen Music, ça n'a pas manqué, c'est très drôle. Et ce sont d'excellents musiciens, surtout place des Pays Celtes, demain, 14h. Allez, pour terminer, vous jouez dans quelques instants, Nicolas Radin, juste à côté, sur les terrasses, avec Banda La Tira. Ouais, la Banda La Tira, c'est une sorte de fanfare de rue moderne qui rassemble trois Asturiens et deux Bretons. On a vraiment été chercher dans toutes les influences des quatre coins du monde, soit latin, Nouvelle-Orléans, Europe de l'Est, en prenant la matière première qui est la musique bretonne ou la musique asturienne. Et l'idée, c'est d'être au plus près du public, au plus près des gens et dans le partage total. Et vous jouez quel instrument? Moi, je joue un instrument qui s'appelle le saxophone baryton, ce grand et gros saxophone. À côté de vous, percussion, accordéon et gaïta. Exactement. La cornemuse asturienne. Merci beaucoup, Nicolas Radin, d'être venu nous voir. Et puis, bon concours. Merci, bon festival à tous. Et on verra ces jeunes pousses, évidemment, dans les années à venir et dès l'an prochain sur le festival interceltique de Lorient. France Bleu Brésil, émission spéciale en direct du Festival Interceltique de Lorient. Ils sont depuis 18h sur le quai de la Bretagne, le groupe breton Vindo Talé sur France Bleu Brésil. sur France Bleu Brésil. Il est presque 19h. Merci à Alex, à Gigi, merci à Laurent, à Jérôme, à toute l'équipe de France Bleu Brésil, également à Quimper avec Fabien, Stéphane, Frédéric qui ont permis la réalisation de cette émission qui continue jusqu'à 21h avec du live dans quelques instants et le groupe breton Oni. Suite de cette émission spéciale en direct du Festival Interceltique de Lorient dans un instant. Et maintenant avec Antargaz, parlons énergie des territoires, gaz liquide et biopropane. Bonjour Louis-Marie, vous êtes éleveur de volailles dans les Deux-Sèvres et vous êtes client Antargaz qui propose du propane et du biopropane, un gaz liquide renouvelable. Quel usage en faites-vous ? Moi j'élève aujourd'hui des poulets, des pintades, des canards et des dindons qui arrivent dans mes 9 poulaillers. Ils sont juste éclos de l'œuf, donc ces petits poussins quand on les accueille, il leur faut du confort, il leur faut une très bonne température. Voilà pourquoi j'utilise du gaz propane dans mes bâtiments. Alors pourquoi vous avez choisi Antargaz comme fournisseur d'énergie ? Alors, mes poulaillers, ils sont sur 4 sites d'élevage qui n'ont pas de réseau gaz naturel qui passe à côté. Donc, j'ai toujours travaillé avec le gaz propane et je suis avec Antargaz pour la qualité de son transport parce qu'ils ont aussi un service de prise de commande très réactif, ce qui est très important pour notre élevage, surtout en période hivernale. Et pour finir, nous avons un commercial qui chapeaute tous ces services pour nous. Merci et à mercredi prochain pour parler énergie des territoires avec Antargaz. L'énergie est notre avenir. Économie. Ils sont là. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Brésil. 19h et quelques secondes sur France Bleu Brésil. France Bleu Brésil, en direct de Lorient pour le Festival Interceltique 2023, année de l'Irlande. Kendall Raiwa, en Abaden, en France Bleu Brésil, Bétek Narvernos, Ganar, Clément. Point de change, l'on a changé. Il y a un moment d'entrée, Ganar, oui. Déjà, du Zobet à Kendall Raiwa. Il y a Kendall Raiwa, une gomzo d'Iverben, juste à voilà, un riez, en mon égard, du Derbre, ou des évoques, Erstrolade, Oni. Dreist. Dans cette monsieur, Gavoten, Gan Oni, à Dreist, Kendall. Matré, Aromat, on doit d'Aven, à Route Peta, d'Alves, on en a aussi, mais on arrive au Lavaret, Bremeg, à Maela, Pétamang, à des Nora, Goudes, Sweet of Monkey, d'ailleurs, Erstrolade de Skernever, à Gadar. Davok Ren de Yo et la Gana Organa ou NPZU et d'un de l'univers. On a gavé des chuigas dans ma baden et voir ce trolat spontus variune de Kefal. Allez, Berdei. Berdei, il y a du stream music voir France Bleu Brésil, Gal, Landa. Moisson voir France Bleu. De France Bleu Brésil. En direct du Festival Interceltique de Lorient, Clément Soubigou. Darbenvenu, Gengé Darvisdu. Darbenvenu, Gengé Darvisdu. Tigénazos, on est endurdu. Tigénazos, on est endurdu. Mas on durdu, mandigene, dobraria bon, godes leve. Mas on durdu, mandigene, dobraria bon, godes leve. Les raids de gêne au prairie-coin, de gazgoté, de bâtiment. Les raids de gêne au prairie-coin, de gazgoté, de bâtiment. Marie Vonnie, Gaillonneau, Guidinidi, Gagobrono. Marie Vonnie, Gaillonneau, Guidinidi, Gagobrono. Marie-Vonique, je vais la barrer, mieux pour disable, je vais te mener. Marie-Vonique, je vais la barrer, mieux pour disable, je vais te mener. Adieu, ma maman, j'aime, ma adieu, mes âmes, qui tiennent de tuer, me dans la gare. Adieu, ma maman, j'aime, ma adieu, mes âmes, qui tiennent de tuer, me dans la gare. We'll be right back. Adieu Tchérène, j'ai la mignonne, Vitienne, tu es l'invarabe. Adieu Tchérène, j'ai la mignonne, Vitienne, tu es l'invarabe. En arrivant, mes gavillets, mes gavédènes, dit Angelé. Marie-Vanique, j'ai une ville, vidéo puée, ne dorvertue. Marie-Vanique, j'ai une ville, vidéo puée, ne dorvertue. Vidéo puée, ne dorvertue, mais mon minou, ne la rentue. Vidéo puée, ne dorvertue, mais mon minou, ne la rentue. Pesque billon de fonds d'amour, ça m'arrive en une baronne en dos. Pesque billon de fonds d'amour, ça m'arrive en une baronne en dos. Yo baravel, à tout ça veut, tout le bord d'Isan, à Zihaza. Yo baravel, à tout ça veut, tout le bord d'Isan, à Zihaza. Danse, mazurka, lambda, moisson, voire France Bleu Brésil, à Conquillé, Ouspen, Astrolabe Bekleven, à Dissa, dans le passé, David Digouri, la cadence du Dazan, Salne et en Mont Bonorion. France Bleu Brésil, émission spéciale en direct du Festival Interceltique de Lorient. Ah, comment vise plusieurs du réveil juste trop là, joue à Bepsorn, Music Force Pegamen, à Bepsorn, trop d'Avelet, d'A Gleven, d'A Yezou, d'A Gleven, Yegiz, on mini, à Gérusamon, à Neke, d'A Yves-Marie, à l'avoir rencontré fait de Madar Jeu. Ya, salut, de Madara. Là, ouais, nous avons en main, n'avez bon orion. Ya, à Taoué, Rirblija, dur, fin, pavez bravo en Amzer, pavez tu des peuplers, avec Zeus Gouel, son Erez, les Vénés, pas dans le nom, ya, plus juste, à Taou, don de bété, gomme, d'Argelté, dans moi, en Orient. Ya, en Gouel, plus juste. Ya, dispart, l'air vin mar, esquem, gandandu, lié, péguré, vézer, gandtud, auton, à Bepler, et vel juste, brouillou, keltieg, mais lié, tud, auton de bété, braise, et vide, disoleil, arvro, à Neuzé, au gré, l'air esquem, endro d'Arzon Erez, d'Arzévenadur, à Ya, lire Eskem et Triarpo, Blue et Normaut. Ya, Eskem et Triandud, Anerhuis Eske tout, mais der, Wano Pourmen. Agemas Gwele d'Arhondud, mais Nepel d'Arhondud, Kebreis, un peu ce que Gwele d'Arhondud, on a mis au passé, Gissé, on a au Burzu d'Aradio. Agemas Gwele d'Arhondud, et was de Varzaou, Kishen Armour, Varare, Gaden Daoulen. Agave Psor de Guerriou, Scrivet, Peta, Peta Doué, Vedos Robert en Mandernet. Et bien, Zoken, pas dans non, et Vesom au Rey Kenteliou, Ben Afin, Kenteliou Brezonek, Gabawe, un Toulat Blavéchou, et Réom Kemenmang, en Argevredigues, Mignon d'Arbrezonek, pas de Trip et Vardéves, et Vesom au Rey Kenteliou, Neke Kenteliou Ir, et vide Deskip et Purzeski Ariez, et Veljus Kentor, et Kenteliou vide Tanva, la Rayon Tanva dans Dut, Disoleil Ariez, Agarpez Azo Dédénus, Gansé, Ben Afin, et au Rey, un Nebeu de Squeriou, de dans le dieu, deux arpés à Heller Clévet, enfin deux arpés au Arbrezonek, Médié, Vel juste, Goudé, arpés à Zopli, juste à Taoui, ou Arprantat Eskem, à la Varéléo, Peus Tud, Vel juste, bah, Bretonnet, Pé Tudal, ou deux Pé Clévet Trao, Digan aux Ud, Pé Digan, ou deux Béléné Trao, ou deux Goulénou, à Méga, Vel ou Dédénus à Taoui, Pé Guré Kroger, Vel juste, Gan, bah, Frasénou, Madame Trao, Pé Trapo, Pé Pio Arrui, Agal, à Goudé, Guré, Peus Eskemou, à Gazo, plus juste à Tao d'Ivar Ben Historariez Historarvro enfin en c'est bel argo vous aiguissez très ondut et très ond à gandut quoi il y a mais juste à garpez à zoken mais gave et au fromus pégur en estude à ze à lié sur une tude cause à square à gévelez in lawen pégur et au trao à gévelez mais meus beclévezé gand vasut coche gwechal à gal à neuse à ze au deux un temps trop d'avant 10 ours si aussi glacade un Tommy Glion Mendro hag pli juste à ta ou hag velet deski gerio il est ouspen ya deski pezoke deski mais neke intizo teski trau mais radium da glevet trau de sbe cleve de zo zu pa wan yawang hag ben afin at skulma chaden ariez en ormot hag gre vid pli juste et andrasé il est fin pli juste rei da glevet da du de Arvro ninke brezon egerien pli juste da du dan diavez vid vito da zizolei breiz neke depken a harte nou post mais breiz vid gul a bep sort quoi et dres a bep sort med ye tud brezon egerien a vianik a zoet la ouen quoi o deus bak yeah. O deus disonge d'un ormo da riez med deman sanket don en un tubenag ge o gure un doare ye da eske enfin an duze avez gwele di hag ur blij a dur evidon mais evidon du da gavdin a gure rabers me gav sur trao hag tiskwez ben ar fin ez eus palavarer ez eus ur c'hoant gant ar vretonet des ski ar riez kentor o kom zeus ar skolioù a ze o un doare al da vele des eus ur gwir interes hag o dedenet vid gwir pob breiz gant ar brezon gant ar brezon ah ba gwel a ze se tu omant vor betege fin ar gwel a ze om tri devez der irio om bet avar fras hag ar pezo ma di emant ne manke de en un delten lerchie den ler chanch a reom beban ter devez vin mon a glaiz a glaiz blom deuxième est-ce que gwelet ar honnout va kei breiz irio a mintilman takat ken gred a goude var ar park penoz Jules Ferry fin chanch a reom ler bem dez hag un doa real davon var zu an dut ler me main ye ma e ben truc ar vrasi de jmari da vedon gane om man evit a gwelerez ne a monz ur strola ne etu de pres da zoni ben peu minute benag ur strola de oni strola de neve flamme ne gade en ora de pasco ma el a le badezet hag un tomboul l'énerie c'est tu pèse à vous Bremag vers France Bleu Brésil évidemment point et au Chiloé dans la The Shiftens mais juste Blavès Brouilverzon n'est l'air qu'est d'ouvert modal le truc avait dit merci Bras qu'est d'avou France Bleu Brésil partenaire du festival Interceltique émission spéciale en direct de Lorient Astrolat, The Chieftains, Nelly Sambasga, Pan Molona, Iver France, Bleu, Brizizel, Momo Powez, Clevet, 16h15, en Oma Baden, Amelardon, Ayer, Prof Kair, Agavo Gret, Deom, Ayer, Astrolat, Oni, Ne Peta, Dalvez, Oni, en Ayer, Volavarad, Bremaïk, Sur Avalar, Nega, Kanerezad, Astrolat, Ne Maela, Le Badezet, Pétamon, Philomène, Bezos, Simone, Yen, Hichen, Enora de Pasco, Ago, Augustin, Pascal, Patrick, Boileau, Vemaino, Vonda, Gassa, Hanom, Neda, d'avait agi sur un voilà, mais cassette lusquette gantude autour de Zlerhal. Gwene de vous, mais Matese et Gweler Chilo, presto, Naganda, et bah du stun, Astrolade, Oni, Varé une voir France Bleu Brise Diesel. Je veux Brézizel, en direct du Festival Interceltique de Lorient, le live. On y va, une heure, France Bébrézizel, Béclavada, Derdano, dont nous avons joué de Ronde Canadéum, de Ronde Canadéum, Organa Wenal, et ben Madé. Daoudei. Philomène, Simone, Augustin. Fine, and I'm Trugarène, Oer, Trolade, Oni, on est Sclévade, Var et une, Var, France, Bleu, Brésil, c'est une d'Abbé, dit Bustu, Simona, Philomène, écoutez, quand on est dans la zone de Gozel, Oer, Frappadig, on est au Magé, Kendall, Romé, Velvus, Gadoma, Baden, Betegnav, Oer, Var, France, Bleu, Brésil. Découvrez les artistes invités au Festival Interceltique de Lorient en direct sur France Bleu Brésil. Tu mets là le Badezette et Nora de Pasco. Pasco, Patrick Boileau, on a Sclévadier, Noé Agawaga, on taboulino. Philomène, à Simone. Yeah. Piou, ruine, Oni, non, nos bras, Noé Agam. Juste avoir Goulina de Meza, Arok Peta, Dalvez, Oni, Maison, j'ai dit noir. Rigueur, et juste, Agézeus. Yeah. Bah, objet ni je n'en identifie. Eh ben, matri. Petit. Guiré, roi, rigueur, yuzu, main over, égalec, quoi. Mais bon. C'est quoi déjà Clé. L'expression Oni. Oni soit qui mal y pense. Oni soit qui mal y pense. Moyen zone de la vraie d'André. Bon, dedans, en moins, bah, Trugaré d'Agenta, Der, Orbe Clévet, en moins, Nayen, Orion, Ractress, Unabad, Neve Flamme. Yeah. Il y a Krogen même de Grouille à Ranawenu, par Blapas Cédric. Ya. Sais-tu? Arpal Kenton, Awa, Uber, Nanterre, Rolat Kranawenu et Bidor Fesnons et Miséré. Ya. Awa l'air Nail Pal, Awa Zevel, Rolat Kranawenu, Bidor Fesnons Abbés et Vid Miséwen. Arpen Kenton, tout. Sais-tu? Ya. À Gornet, Oni. À Gornet, Oni, ya. Ya, ya. En histoire, Azo. Alexandre Salet, mmh. Akazo accordéonour, la sauterelle, Big Poète Trio. Moi, Galvet Arrondon, il vit Goulet Nagar, moi, Orstrolat, Zonérise moderne, quoi, vit de l'Académie des Ansals. Moi, qui est Roas, un gamin de la Redan, mais possible, je fais Crouille. Crouille, non. Goudézé, moi, Pelgomzé de Maïla, vit Goudou Nagar, moi, adieu, il doit rendrasser, il demande, vit Kémer Pierce, Barza. Andro Guerzé, Agand Patrick Boileau, Ezivé, Oba, Pucuré, Megoas, quoi. Ah, gagné tout de Nistor, gavé ce comté de classe caride, en Brougan, Chachan, en public Gonor, quoi. Mais il a maturé, PUP, et Nora. Ben, Azé, Arstrola, Azé, Benafine Redé, l'arrêt en Nistor, Guirion, Nimzobé, Penon Velaré, Dandra, et. Crapet gant tud dreiz douar el quoi. Augustin ouais il blavait jou en tercan mais Simone il blavait jou triugen Philomène il blavait jou DKP Varugen Pévarugen Pélaran Pévarugen yeah. Un gazé bah en der honder on nous disait d'arsclère d'arsclérigène doué d'arsclérigène aga la quête de nimzobé la quête d'avoir un doigt rendro et vite juste avoir Robert Kentelvras d'un dude quoi qu'un verre une danse et qu'un verre festounons et qu'un verre revué puis vite comprennent qu'est-ce avoir dit répondre vite d'arpoen quoi répondre à goulé nous en dude quoi sais-tu ya ya. À classe des skis dans ça, lié Goulet me prend en or, et bon, moi qui m'a 13 place à voir l'air, mais mon nez dans du des ans mais classe qu'elle a juste à voir l'air display, Goulet me prend en or, du pédant au vert, quoi. Mais là, je l'ai donné de bout de la 4, drone, sorte bourdon, et vite d'artrans, et de. En dut deux ans en salle. Il y a Urzon à Gajo, mais qui sait tout d'arrêt à Ranawenu. Yeah. Sais-tu, mais il y a Arpal à Zou. La cadre en dut d'Arwarzin, de Gandan à Dazan salle, quoi. Assemblée de Gagnon. Pas du bras. Mais Donara. Et Donara. Donara, ton matin, il y a Gualazé. Enfin, il y a plus Bremaïque, mais il y a qui étude dans salle, mais. En dut doit. Et vu Urzon. Très bien. Presse d'Auvergne, mais Vichébé pas mis une meilleure et Vichébé Golette, tu dois autant ça. Bon, à la semaine, il y a Tomic Bair, un homme zère, et nous m'abadez nous, mais Peso sûr, on a trop d'Abédière en or, on a France Bébrisisel, on a Vidon Abaden, Iror, la cadendue d'Arwarzin, la gaout Pligeadur, Troska, si Arbligeadur peut se rouir, on a Gadon Dansou, quoi. Et Rana Gadendude, quoi. N'est-ce de rébèche, mais pour vivre à Strolajou, à l'heure et nous faisons, mais gueulez de vos photos, ou Pépini, ou Robert Hardou, puis aux éblancs toutes bien tristes, puis sérieux, puis fâchette à Nil, on ne se bien pas à rentrer le mic, quoi. Bah, déjà, c'est la partie de son personnel, on se rit. Si tu veux vite changer de tombe, quoi. Allez, Perraquet, d'abord, sorte. À Gaison-Monnois de